Le CISCORON, à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des femmes, les femmes des représentations du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, du Fonds des Nations Unies pour la population, du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme mondial de l'alimentation, de l'Organisation mondiale de la santé en Corée, ont visité la filature Kim Jong-suk de Pyongyang.